Mettre fin à la quête spirituelle. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Tant que l'individu est en recherche spirituelle, bien, il vit une forme de quête. Et cette quête-là le sépare précisément du réel. Donc, tant que l'individu recherche, il n'a pas accès au fait que tout est là et qu'il peut avoir accès à tout d'une manière immédiate. Mais pour cela, il doit avoir la capacité d'en supporter la réalité. Donc, qui n'a pas accès au réel qui veut, mais plutôt qui peut. Et pour avoir accès au réel, il faut avoir une structure énergétique suffisamment dense pour en intégrer l'énergie. Parce que, en réalité, lorsque l'individu vit une quête spirituelle, c'est parce qu'il cherche des réponses à des questions. Mais tant que l'individu n'a pas réalisé que les questions puis les réponses, ça vient pas de lui, parce que la pensée vient d'ailleurs, bien, à ce moment-là, il peut être influencé par des entités qui, à travers lui, vont lui insuffler des questions pour qu'il soit mis en mode recherche de réponses, pour qu'elle, à travers lui, ait accès à des réponses qu'elles veulent, mais que l'individu, objectivement, ne veut pas nécessairement. Ça, c'est en lien, entre autres, avec le phénomène de la curiosité psychologique. Donc, autrement dit, quelqu'un peut être curieux de choses qui ne le concernent pas objectivement, parce qu'en réalité, il y a des entités dans l'invisible qui tournent autour et qui seraient intéressées à avoir accès à des informations par rapport à certains sujets, mais comme elles n'ont pas la capacité de se brancher à l'esprit, à une conscience supramentale pour accéder au réel, eh bien, elles vont chercher à utiliser et se servir de la capacité de certains individus d'avoir accès à certaines informations, dans certains cas, pour accéder à des réalités qu'elles n'ont pas la capacité de percevoir. Donc, autrement dit, une entité sur les plans invisibles peut être intéressée à avoir des informations sur l'évolution de l'être humain, mais comme elle est limitée dans sa capacité d'interception vibratoire, elle peut chercher à interagir psychiquement avec un individu sur le plan terrestre et acheminer des pensées comme de quoi qu'il est intéressé à connaître des choses par rapport au futur de l'humanité, alors que ça ne vient pas de lui, mais ça vient plutôt de l'entité qui est curieux de voir qu'est-ce qui va arriver, c'est quoi les perspectives pour le futur. Et comme elle n'a pas accès à l'information, elle n'est pas capable de l'intercepter, bien, elle va chercher d'utiliser l'individu comme intermédiaire pour que l'individu se branche à la conscience de l'esprit qui va dresser les plans de l'évolution future pour l'humanité et ainsi utiliser le contact qu'elle a avec l'individu pour accéder à certaines informations. Donc, autrement dit, l'individu qui va répondre à des questions qui lui sont acheminées peut servir d'intermédiaire entre l'esprit et des êtres désincarnés et peut participer à l'éducation d'êtres se retrouvant sur le plan astral. Donc, c'est assez particulier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la quête spirituelle peut être aussi insufflée dans l'esprit de certaines personnes pour les amener à vibrer une forme de spiritualité, une forme de recherche, une forme de désir. Donc, ce qui sous-tend la quête spirituelle, ça peut être la croyance que l'individu n'a pas accès au réel. Ça peut être la croyance que l'individu doit chercher des réponses à des questions fondamentales à l'égard de l'existence. Ça peut être la croyance que l'individu a besoin d'un maître, a besoin d'une autorité extérieure à lui pour lui dire quoi faire, quoi penser. Alors que toutes ces croyances-là sont mises dans l'esprit de certains individus pour, à quelque part, les garder dans un état de vulnérabilité, parce que s'il était dû dans la psyché d'un individu à travers une communication télépathique, qu'il a la possibilité de canaliser n'importe quelle information par rapport au réel par lui-même, il n'a que le vouloir d'une volonté réelle, bien, à ce moment-là, il n'y aurait pas de gens qui feraient des quêtes spirituelles à la recherche du réel parce qu'ils auraient accès eux-mêmes au réel. Donc, autrement dit, ça peut faire l'affaire de certains maîtres sur les plans astraux ou sur les plans physiques que l'individu soit en quête spirituelle parce qu'à ce moment-là, ça leur permet de jouer au sauveur et de leur donner des réponses à des questions qui émergent en eux. Donc, autrement dit, tant que l'individu croit qu'il a besoin d'un maître pour lui dire quoi faire et quoi penser, bien, ça le garde dans un état d'infantilisation psychique et ça l'empêche de se brancher lui-même au réel. Donc, il va se servir d'un maître comme intermédiaire par rapport au réel ou en fonction de croyances spirituelles, de croyances sectaires, de croyances religieuses pour être capable de se situer par rapport à la réalité. Donc, il va se servir de forme pour se situer à l'égard du réel au lieu d'y accéder d'une manière instantanée par vibration. Et tant que l'individu vit de la quête spirituelle, ben, il est gardé dans un état d'infantilisme psychique parce qu'il a toujours besoin de quelqu'un au-dessus de lui pour accéder à des informations, à des données. Donc, il est un petit peu comme l'enfant qui a tout le temps besoin de demander à papa ou à maman qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il va attendre qu'une volonté extérieure à lui lui dise quoi faire au lieu de développer sa propre volonté, sa propre autonomie et sa capacité d'interception vibratoire avec la puissance de sa volonté pour accéder à toute information qu'il a besoin objectivement d'avoir accès dans l'instantanéité du moment présent par un mode de canalisation spontanée. Et pour accéder à un mode de canalisation spontanée, bien entendu, l'individu doit vivre le processus de la fusion et la descente en lui de l'énergie de l'esprit qui va lui permettre d'être dynamisé par une vibration et lui reconnaître le matériel vibratoire auquel il a la possibilité d'y avoir accès compte tenu de son intégration énergétique de l'esprit. Donc, plus que l'esprit descend au sein de l'individu à travers le processus de la fusion, de l'union psychique entre son âme et l'esprit, plus l'individu a la capacité d'avoir d'une manière instantanée au réel et moins il va être intéressé à être en quête spirituelle. Donc, la quête spirituelle arrête lorsque la volonté de l'individu s'affirme, tout simplement. Parce que tant que l'individu n'affirme pas sa volonté pour cesser une compulsion qui peut provenir du plan de l'âme, du plan astral, à tout le temps vouloir chercher des réponses à l'extérieur de lui, à travers des livres, à travers des sites internet, à travers même des enregistrements audio qu'il peut écouter, donc s'il n'a pas une volonté d'arrêter ces comportements-là pour retourner l'attention sur son intériorité à travers des processus d'intériorisation et de canaliser lui-même et de puiser lui-même au sein du plan éthérique les informations parce qu'il a développé une conscience intériorisée au contact de son esprit. Tant que ce changement-là ne s'opère pas, il n'a pas accès au réel et il demeure en quête spirituelle. Donc, autrement dit, c'est sur une base individuelle que l'individu lui-même va arrêter la quête spirituelle pour se redéfinir psychiquement, pour entrer dans le réel de sa conscience et son autonomie psychique.